Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Demelin, bienvenue à Econophile. Mieux traiter les médecins ne profite pas aux patients. Je tombe en bas de ma civière. En doublant l'enveloppe de rémunération des médecins en 10 ans, le Québec n'a récolté qu'une stagnation, voire une diminution des soins, conclut une étude très attendue sur le sujet rendue publique plus tôt cette semaine. Son auteur principal, le chercheur Damien Contandriopoulos, en conclut qu'il faut retirer la gestion des enveloppes de rémunération aux fédérations médicales. Il en fait sa principale recommandation. Après 3 ans à creuser le sujet, son jugement est sans équivoque. Nos données montrent qu'en 10 ans, nous avons doublé les investissements pour payer les médecins. C'est massif. Et la société en a retiré exactement rien. Entre 2006 et 2015, l'enveloppe destinée aux médecins a doublé, passant en dollars courants de 3,3 à 6,6 milliards. Une augmentation moyenne de 8,1% par an. Les autres dépenses en santé, elles, ont cru de 4,3% en moyenne pendant la même période. Les augmentations ont surtout profité aux médecins spécialistes. Ils ont touché une augmentation de 116% en 10 ans, contre 78% pour les omnipraticiens. Et M. Couillard et Barrette sont des médecins spécialistes. Mais ça va pas mieux. Pas pire, hein? La productivité, on l'a dit ici même d'ailleurs à l'émission, c'est pas évident à calculer quand même. Mais on a des indices, là, gros de même. Là. Moins d'actes facturés, nombre moyen de visites de patients qui ont chuté, moins de jours travaillés pour le régime public. Quand même. Est-ce qu'il faut les forcer à travailler plus? Non, il n'y a pas personne qui dit ça. Le problème, c'est que en général, quand tu gagnes beaucoup plus, t'es censé livrer plus. Oh, le rattrapage a été fait, là. Ça c'est réglé, là. C'est clair. On est au-delà du rattrapage, là. On est dans le crémage, là. Dans le gras, dans la Porsche et la Mercedes, là. Mais quand tu reçois 800 millions en trop, tu sais, avoir échappé 800 millions quand même, faut le faire, là. Mais ils vont vous harceler pour 117,50 que vous devez, là, ça craignez pas. Bref, les médecins ont reçu beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû recevoir avec votre argent. Et alors, au moins, on aurait pu s'attendre à ce que les indicateurs disent tous que ça va bien, que ça va mieux. Mais c'est pas le cas. Là, vous dites, ouais, mais les résultats sont mauvais, alors c'est sûr que le gouvernement, c'est fâché, là. Je veux dire, il veut corriger les choses, là, hein? Non, pas vraiment, non. Texte paru le 7 mars dernier, Barrette doutait de la pertinence de l'étude. Wow! Dans le Devoir, on lit « Pour s'assurer que les résultats de l'étude sur les modes de rémunération médicale seront un jour rendus publics, l'ancien commissaire à la santé et au bien-être, Robert Sallois, a dû les protéger de toute ingérence. » Lors d'une rencontre qui s'est tenue peu après l'assermentation de Gaétan Barrette comme ministre de la Santé, au printemps 2014, Robert Sallois devait expliquer les mandats en cours de son organisme. Vint sous le tapis le sujet de l'étude sur le mode de rémunération des médecins. L'appel d'offres avait été lancé en janvier, mais on ignorait alors à qui iraient les fonds. Alors le ministre voulait savoir où était le processus et a demandé si c'était possible de revenir en arrière, soutient Robert Sallois. Vous voulez aussi savoir si je faisais ça avec les fonds du ministère. C'est cute, hein? Très cute. Et Barrette juge d'ailleurs que l'étude n'a pas rapport aujourd'hui. Là, qu'elle fait le constat du passé. Là. Dans la presse, on nous apprend que la plus récente entente entre le gouvernement Couillard et les médecins spécialistes, dont le contenu n'a pas encore été rendu public, ne contient aucune nouvelle mesure pour inciter les médecins à être plus productifs. Pas besoin. Ils savent tout ça. Barrette le dit. Malgré ça, il trouvait ça important de surpayer les médecins pour... Pourquoi au juste? Hein? Pour quand il va retourner à la pratique? C'est pratique. Et Couillard, lui, a admis que, il dit, je pense qu'on a encore un an ou deux de productivité dans le corps médical. Je pense que tout le monde sait ça. Et c'est, ça a fait des années qu'on le dit. Ouais, OK. Et il a ajouté, le gouvernement peut légitimement réfléchir à certains aspects des ententes monétaires avec les médecins, mais il n'est pas question de retoucher les conventions qui viennent tout juste d'être conclues, a-t-il souligné vendredi. Et les médecins, eux, rappelons un texte paru dans les journaux le 25 avril 2016, titré « Les médecins s'en prennent à un chercheur qui étudie leur mode de rémunération ». C'est évidemment la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens qui ont joué les gros bras, hein, qui ont écrit des lettres pour s'en prendre à la crédibilité du chercheur Contandriopoulos, estimant qu'il n'a pas le recul nécessaire pour mener des travaux sur la rémunération des médecins. Ah oui. Venant des syndicats des médecins, c'est très crédible. Très. Dire qu'avec le 800 millions en trop, on aurait sans doute arrangé la plupart des problèmes avec les infirmières, hein. De très, très bons gestionnaires. Alors, je salue toutes les infirmières qui nous écoutent. Go back to bed, America. Your government is in control. Bienvenue à Iconophile. Nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux. On est là. Il y a le blog aussi. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, Iconophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons. Il y a le bouton En savoir davantage sous le bandeau de notre page Facebook ou encore vous allez sur Iconophile.net et vous y arrivez directement. Iconophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi que la totalité des émissions sont toutes là, disponibles dans la section Émissions. Alors cette semaine, c'est un peu spécial. D'abord, mon collègue Jean-Claude Cloutier n'est pas là, tout comme Guérite d'horreur, donc je me débrouille comme un grand, comme au début. Et puis, comme au début d'ailleurs, l'émission entière est consacrée à un livre, juste le titre déjà, je vous le dis, « Trop tard, la fin d'un monde et le début d'un nouveau ». Ça vient tout juste de paraître chez Éco-Société, un petit bijou, moi je vous le dis, de 280 pages, signé Harvey Mead, que j'ai le bonheur et le privilège de recevoir en studio. On va l'entendre dans quelques instants. Harvey Mead est docteur en philosophie des sciences, un acteur important et un leader respecté des milieux de l'environnement et du développement depuis près de 50 ans au Québec, au Canada et à l'international. Ancien sous-ministre adjoint au développement durable, n'a fait de rien, hein? Premier commissaire au développement durable, bref, une expertise riche. Qui explique sa capacité à intervenir dans le dossier, je peux vous le dire. Je vais lire des extraits de son livre. Je vais discuter tout au long de la prochaine heure en compagnie de cet homme remarquable qui fait honneur, à mon sens, au mot « humanité ». On a fucké le fleuve, on a fucké le fond. Ça pensait tout savoir agissant sans raison. Y'a aucun temps, rose pour le futur. Encore moins d'hiver pour nos cultures. Un big shout out aux baby boomers. Mes enfants vont vivre le happy doomer. Damn, tout ça en peu de temps. Plus de bonnes ressources, on hérite des restants. On vivait en se foutant de tout. Puis maintenant, on doit sortir du trou. On en parle pas, c'est un sujet tabou. Les conséquences directes pour eux, c'est flou. Les conséquences directes pour nous, c'est fou. Harvey Mead, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Oui, je pour la prochaine heure, je vais mettre des chansons qui ont tout le temps le titre « Trop tard » ou encore « Too late ». Donc, c'est déjà, je vous tease ça. Là. Okay. J'ai de la suite dans les idées à ce niveau-là. Je suis content et honoré de vous recevoir, franchement. Un livre que j'ai dit au début d'émission, que j'ai considéré comme un petit bijou, je ne dis pas ça pour vous flatter. J'ai vraiment apprécié ce livre-là, un livre qui est une prise de conscience et ça ressemble à quelqu'un qui a envie d'être totalement lucide, et pas lucide dans le sens Lucien Bouchard du terme, là, mais une lucidité assez profonde. C'est comme ça que vous vous sentez, l'obligation de dire, OK, on arrête, il faut se dire les vraies choses? Mais avant même de répondre, je recule. La présentation me fait réaliser le premier commissaire au développement durable, mm-hmm. le premier sous-ministre adjoint au développement durable. J'ai fait presque 50 ans à essayer avec toutes mes forces, avec l'organisation que j'avais aidé à fonder, puis qui, avec d'autres, a corrigé les orientations des gouvernements. Et j'étais tellement bien là-dedans que j'ai été promu à des postes au gouvernement ou chez le vérificateur général. Et finalement, c'était cette deuxième fois où j'ai réalisé, oui, j'ai bien travaillé, mais je me suis vraiment... J'ai manqué mon coup. Et pendant les 2 ans comme commissaire, j'avais proposé 5, mais mon patron économiste a suggéré 2. Renouvelables, mais seulement si on s'entendait. Okay. On ne s'entendait pas. C'est là où j'étais complètement retiré de l'actualité, la frénésie d'intervention quotidienne, etc. J'ai dirigé mon équipe et c'était intéressant comme travail, mais surtout, j'ai réfléchi et j'ai lu. Puis c'est là où j'ai vu que j'ai perdu mon temps pendant plus que 40 ans. L'effort de corriger les orientations, de mitiger les erreurs ou les gestes, surtout des gouvernements, ne pouvait pas se défendre. C'était... C'est inhérent dans le système et finalement le massacre de notre système social et environnemental de la planète. Alors, votre question, pour revenir, c'est... je l'oublie. Mais ce que je disais, c'est que ça a l'air d'être un constat un peu brutal. C'est comme si vous vous dites, on a eu du fun pendant plusieurs années, mais là, maintenant, moi, mon constat, il est beaucoup plus sombre, hein, faut le dire. Là. C'est un constat qui est alarmiste, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on travaille un peu à contre-courant. Là. Mais c'est ça. Et quand j'ai quitté le poste de commissaire en 2009, j'ai passé 3 ou 4 ans à travailler avec... un groupe de gens vraiment intéressants et bien orientés, sauf que c'était les économistes hétérodoxes qui s'étaient formés, qui avaient lancé un manifeste en 2007 ou 2008, « Économie autrement ». Et vraiment, là, c'était un travail intéressant, mais j'étais obligé de constater à un moment donné que ces gens-là aussi... chercher, comme moi je l'avais fait, à corriger le système plutôt que de voir, comme je prétendais avoir découvert, qu'il faut changer le système. Il faut vraiment un nouveau système. Et c'est ça le sous-titre, une nouvelle société. Parce que ce que vous dites d'ailleurs, c'est vraiment, vous parlez franchement d'économie, hein. On peut le dire, c'est pas juste un livre qui parle d'écologie, au contraire, vous êtes sur l'élément social global, incluant celui économique, où vous dites, dans le fond, le problème, c'est l'économie néoclassique, on est encore les deux pieds dedans, puis on n'est pas capable de sortir. Ça me paraît clair. On entend quelques soubresauts ici et là. Je soupçonne que l'élection de Trump en Italie, il y a des mouvements massifs actuellement qui suggèrent une sorte d'objection de fond venant des populations, mais c'est très varié, c'est pas tout à fait ce que moi je cible dans le livre, mais c'est ce que je constate, c'est que cet effort de corriger le tir pendant plus qu'un demi-siècle pour le mouvement environnemental est à la veille de se buter à ce qui était quand même projeté en 72 par un groupe d'informaticiens de MIT aux États-Unis. Ils ont publié un rapport sur, je pense, 2 ans de travaux qui s'appelle « Halte la croissance ». J'ai la copie originale, je l'utilise depuis 45 ans, 72 ça a paru. Et dans ce livre-là, et comme je dis, c'était un livre de chevet, j'y revenais de temps à autre, et à chaque fois que je le faisais, je savais que j'étais complètement marginalisé. C'était un livre qui était refusé, négligé. Ces gens-là ont fait des projections en fonction des meilleures données disponibles dans le temps. Et leur projection pour le scénario de base « business as usual », continuons comme nous faisons depuis toujours parce que ça va très bien, nous menait à la projection en 2025, et la date n'est pas précisée dans le livre, mais l'auteur principal l'a précisé personnellement. En 2025, à peu près, l'effondrement de ces systèmes dans lequel nous sommes immiscés et que tout le monde essaie de corriger seulement. Alta la croissance projetait l'effondrement du système et donc le besoin d'un nouveau. Ce ne sera pas une adaptation des correctifs ici et là, comme on essaie de faire dans le mouvement environnemental et social. Nous sommes là. J'ai réalisé que peu importe ce qu'on voudrait voir comme amélioration ici et là, on est devant un constat que je continue à puiser, essayer de comprendre. Le constat que nous sommes devant, et c'est assez précis, un épuisement des ressources non renouvelables qui sont les fondements de notre civilisation à relativement court terme. C'est comme ça que je le dis dans la préface. Je regarde les journaux, j'écoute la télévision, la radio, et c'est comme si rien n'était. On est vraiment ailleurs avec cette préoccupation-là. Tout roule bien. Vous appelez ça qu'il faut faire le rejet de la mystique de la croissance. C'est beaucoup ça. Hein? Quand on parle de notre économie, d'ailleurs même, on reviendra un peu là-dessus tantôt, le thème de développement durable, mais tout est axé sur la croissance. Il faut faire de la croissance. On est obligé, là. Mais finalement, j'ai pu cibler cela dans mes travaux avec les économistes hétérodoxes, des gens vraiment intéressants, contrairement, je dirais, carrément aux économistes néolibéraux, entre autres. Qui sont moins intéressants. Oui, ils sont moins intéressants. C'est ça, là. Ils ont une préoccupation globale, sociale. Mais ils ont été sans exception formés à l'économie néoclassique et la croissance est Et finalement, c'est le présumé de base de n'importe quelle intervention. Et c'est Dominique Méda, une sociologue française, qui a donné ce titre à son livre « La mystique de la croissance », parce que c'est quasiment ça. Il n'y a pas de fondement. Je viens de terminer un livre de Gilbert Rist, un autre français, où il le considère quasiment comme une religion. C'est une croyance qui n'a pas de fondement, mais qui est tellement enracinée dans la pensée de tous les dirigeants, tous les responsables à tous les niveaux, qu'on n'y pense même pas. Ouais. Et vous citez, si vous me permettez, je vais prendre 30 secondes pour lire un petit bout de votre livre où vous citez le sociologue Pinault qui dit « Critiquer la croissance, c'est dans un premier temps souligner les limites des solutions économiques à la crise écologique actuellement mise de l'avant au Québec, pour ensuite envisager les conditions de possibilité d'une transition écologique radicale et donc exigeante, hein, autant sur le plan culturel que politique et économique. Une véritable transition implique une série de ruptures, non seulement avec le dogme de la croissance matérielle comme vecteur de progrès, mais plus largement avec le régime de propriété, c'est important, on en parlera, et le mode de consommation et de production qui caractérise le capitalisme en tant que tel. Finalement, décroître veut aussi dire reconnaître l'existence d'autres types d'économies que cette économie capitaliste et les valoriser. Or, pour plusieurs, inutile d'aller si loin. Tant à gauche qu'à droite, on pense que les approches qui vont du capitalisme vert au keynésianisme écologique permettraient d'amorcer une transition vers un autre modèle de croissance en évitant l'effondrement écologique que prédisent plusieurs scientifiques. Et vous ajoutez ces penseurs auxquels fait référence Pinault, de gauche et de droite étaient et sont toujours aussi omniprésents avec leurs convictions croissancistes et que vous dites qu'ils sont qu'on appelle des gloutons impénitents. Ça, c'est Yves-Marie Abraham. N'est-ce pas? professeur de décroissance au HEC à Montréal. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire, on est dans une... Les chiffres, même si on s'amusait à les sortir à l'heure actuelle, oh, mon Dieu, que tout va bien, la croissance est là, on a notre confort indifférence, donc pourquoi changer ce système dans des propositions qui sont radicales? Ce dont vous parlez, c'est pas juste de changer 4,30 sous pour une pièce, là. Depuis... disons que la date fatidique, c'était quand j'ai quitté le poste de commissaire. Depuis ce temps-là, j'ai connu ce qui était derrière quand même beaucoup de pensées depuis à peu près 1990. L'économie écologique, il s'appelait, qui était quand même une reconnaissance, une économie fondée sur une reconnaissance des bases dans la nature, dans l'environnement de toute notre société, ce qui est exclu de l'économie néoclassique, qui ne tient pas compte de ce qu'on appelle les externalités, de l'impact sur l'environnement, sur les besoins en termes de ressources. L'aboutissement de cette réflexion-là aboutit à quelqu'un qui a évolué aussi, Charlie Hall, c'est pas un économiste, c'est un écologiste de système, et qui a quasiment fondé lui-même ce qui s'appelle l'économie biophysique, où on met un accent vraiment sur le rôle de l'énergie dans nos sociétés. Et là aussi, on voit l'énergie, ce matin, je le disais, des textes qui m'ont été envoyés. Tout semble aller bien, il y a des difficultés, mais il y a tellement de pétrole, tellement de gaz qu'il s'agit tout simplement de mieux gérer ça. Alors que tout ce qu'on peut voir avec une analyse détaillée, mais un peu en retrait, nous montre que nous sommes à la fin de nos ressources énergétiques fossiles, finalement conventionnelles, on ajoute. Et devant des problèmes. Et si je reviens à votre citation, la citation de Pinault, je le cite probablement 7 ou 8 fois dans le livre. Pour moi, c'était un homme que je suis un de nos meilleurs penseurs au Québec. Mais dans les autres citations, parce que celle-là est vraiment positive, ça remonte à il y a 5-6 ans, 2012, si ma mémoire est bonne. Même Éric Pinault, et se montre incapable, il est sociologue, mais aussi économiste, incapable de se détacher de ses croissancismes. Oui, oui, bien sûr. Et revient assez régulièrement avec d'autres collègues, encore une fois, je dis, c'est cause de désespoir tellement on a de bons chercheurs à l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, qui sortent continuellement et constamment de très bonnes analyses, mais dans le moule de ce que je me sens obligé de rejeter, là, le moule qui cherche à améliorer le système qui s'effondre. Vous faites plusieurs critiques, d'ailleurs, vous parlez des échecs. Hein. C'est comme ça que commence le livre, les premières parties, les premiers chapitres. On parle de l'échec du mouvement écologiste, l'échec du mouvement social aussi, échec aussi à réveiller les populations. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde qui se sont trompés. Ça en fait beaucoup. On avait dû vous le dire. Coudonc, est-ce que vous êtes le seul, Harvey Mead, d'être éveillé? Mais, voilà, on a juste à constater le peu de prise de ce qui se trouve dans le livre pour savoir qu'on est vraiment marginal et que c'est le contraire que pense tout le monde. C'est pas la première fois de ma vie, même comme enseignant, personne le sait quasiment, mais moi j'ai gagné ma vie pendant 50 ans comme professeur de philo et de humanities. Et à l'âge de 16 ans, j'ai changé ma carrière comme étudiant pour vraiment adopter une approche où ce ne sont pas les professeurs qui sont les maîtres, ce sont les penseurs, les livres d'antan, les livres de toute notre histoire, surtout pour les besoins de la cause, l'histoire et la pensée occidentale. Et le rôle d'un animateur qui s'appelle enseignant ou professeur, c'est de rendre les élèves capables de lire toute la richesse que nous avons comme document. Et carrément comme document, que ce soit numérique ou papier ou visuel. Et J'ai fait ça comme enseignant pendant toute ma carrière et j'étais toujours bouton noir aussi. Mes collègues trouvaient ça vraiment de valeur que mes élèves n'apprenaient rien. Je n'avais rien à leur montrer parce qu'il y avait des grands maîtres qui pouvaient faire bien mieux que moi. Alors, c'est ça que j'essaie de faire maintenant, toujours. Le livre est teinté de ça. J'ai un blog depuis 5 ans maintenant, en janvier 2013, où j'essaie de prendre ce qui arrive dans l'actualité, de retour à ce que j'ai fait pendant si longtemps, avec commentaires et mise en contexte, des critiques souvent. Et c'est ma façon d'aborder toutes les choses. Reconnaissons qu'il y a du monde qu'il faut écouter, qu'il faut suivre des fois, mais essayons de bien les comprendre et de bien les mettre dans un contexte global qui est le nôtre. Je vais vous amener tout de suite parce que le temps file quand même. Je vais vous entendre un petit peu, si vous me permettez, sur l'IPV. Parce que dans votre livre, notamment, vous rappelez ceci, vous avez écrit là-dessus, ça je le sais. Qu'est-ce que l'IPV? Parce que ça nous permet de parler du fameux PIB. Parce que quand on parle d'obsession de la croissance, l'illustration parfaite, ce qui nous guide en tout, c'est le PIB. Le PIB, le produit intérieur brut, qui a été démontré pourtant sur le plan économique comme étant en ayant des failles. On le sait qu'il y a des failles, mais vous avez proposé quelque chose de différent. Quand j'étais nommé sous-ministre adjoint en 90, en arrivant, je réalisais que je n'étais pas nécessairement le meilleur choix du monde. Je ne connaissais pas le gouvernement, le système. Mais en 2007, quand j'ai été nommé commissaire, là, en rentrant, je savais ce que je voulais. Je savais que là, ils ont choisi le bon candidat. La seule demande que j'ai faite à mon patron était d'être complice avec moi. Et finalement, la complicité exigeait de me soutenir dans le travail sur l'IPV. IPV étant un indice de progrès véritable. C'est ça. Ça remonte à l'économie écologique, justement. Mon contact avec cela était un livre pour le bien commun, fait par Herman Daly, entre autres, et Clifford Cobb, publié en 89. Et c'était un livre qui m'a marqué parce que l'annexe de je sais pas si c'est 50 pages, c'est un premier IPV pour les États-Unis, avec 29 catégories calculées sur 50 ans, etc. L'idée de l'IPV, comme l'idée de l'économie écologique et biophysique, c'est de corriger encore une fois, de montrer qu'il y a des coûts associés aux bénéfices qu'on calcule avec notre indicateur économique, le PIB, le produit intérieur brut. L'idée de l'indice de progrès véritable, c'est de regarder les coûts associés à la perte d'écosystèmes, les coûts à les changements climatiques, par exemple, les coûts associés aux impacts sur les terres agricoles et sur les rivières, toute la panoplie d'impacts que le mouvement environnemental, surtout, mais social aussi, essayait de mitiger pendant 50 ans, depuis 50, 60 ans. Et ce que les calculs sont pas faciles. D'ailleurs, j'ai commencé le travail comme commissaire, c'était justement ça qui a fait que mon patron n'a pas renouvelé mon contrat. L'économiste néoclassique ne voulait rien savoir de ça. Alors que je me disais, voilà une façon de, comme commissaire, comme vérificateur général adjoint, une façon de quand même pousser le gouvernement à revoir ses calculs. Parce que c'est des évidences que les changements climatiques, par exemple, ont des coûts énormes. Finalement, j'ai calculé avec un stagiaire français qui finissait sa maîtrise en économie. J'ai fini par calculer un IPV pour le Québec. Quelques chapitres, j'étais obligé de carrément passer par indirection. Il y a des estimés à différentes places. Mais le résultat est raisonnablement solide. Moi, je pensais que ça pouvait susciter un débat, mais il est comme le présent livre. Il y a eu presque pas de réaction. Mais le résultat, c'est que les coûts occasionnés par notre développement économique sont l'équivalent d'à peu près les trois quarts de ce qu'on compte comme bénéfice. On réduit le PIB des trois quarts. Et l'IPV arrive à à peu près la moitié du PIB, n'importe où, parce que ça a été fait dans plusieurs pays, parce qu'on ajoute comme élément positif le travail des femmes, surtout. C'était ce qu'on appelle le travail non rémunéré. Mmh. C'est un gros élément dans n'importe quel IPV. On essaie de comptabiliser la valeur de ces contributions dans les familles, surtout des femmes, sur toute la longueur de l'approche. Et on aboutit à un constat, mais non seulement on ne tient pas compte des coûts, mais on ne tient pas compte d'un apport très important. On va faire une courte pause là-dessus, si vous me permettez. Je lis, pour nous guider à la pause, un extrait d'un texte de mon collègue Jean-Claude Cloutier qui parlait de votre bouquin sur l'IPV. Il dit « Le tour de force de Meade est d'avoir réussi à traduire en valeur monétaire des choses aussi disparates que l'épuisement des stocks de poissons marins, les pertes de possibilités forestières, la disparition des terres agricoles, les effets des changements climatiques, le chômage involontaire, etc. Il en arrive à la conclusion que l'IPV a progressé deux fois moins vite que le PIB au cours des dernières décennies. » C'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL avec David Lemelin au micro. Mon invité Harvey Meade, nous parlons de son tout récent livre « Trop tard, la fin d'un monde et le début d'un nouveau ». C'est publié chez Éco-Société. Juste avant de reprendre avec lui, quelques mots à propos de notre radioton, les dons pré-radiotons qui CKRL sollicite votre appui à cet égard-là. Vous savez, on a besoin de vous, on a besoin de vous là-dessus. Donc, un don pré-radioton de 20$ et plus, ou encore carte de membre qui est à 25$, ben vous posez votre geste ainsi de soutien avant le 6 avril 17h et vous courez la chance de gagner un prix spécial. Tirage auront lieu le 6 avril à 17h, donc tous les membres actifs à cette date seront éligibles au prix membership. Comment faire? Ben vous pouvez passer au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 ou encore service sécurisé PayPal, ben oui, vous allez sur ckrl.qc.ca, l'onglet « Faire un don » et l'onglet aussi « Devenir membre » dans la colonne de droite. Donc, et soyez bien sûr à l'écoute les 6, 7 et 8 avril et soyez généreux. Merci beaucoup au nom de tout le monde qui travaille ici à la station. Harvey Meade, c'est à nous donc. On parlait de l'IPV. Je vais vous amener un peu sur... développement durable, on en a parlé rapidement, mais vous faites sans doute partie, c'est ce que j'ai compris, de ceux qui pensent que développement durable, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. En tout cas, pour le j'étais très lent à apprendre cela, parce que le travail de la commission Brundtland, qui a vraiment donné une sorte de popularité au terme développement, c'était soutenable techniquement pour eux autres, mais c'est devenu... sustainable, C'est un ouvrage quand même impressionnant, le rapport de ces 3 ans de travaux. Ça s'appelle Notre avenir à tous. L'UQCN, le groupe que je présidais dans le temps, a vraiment pris en main le défi de faire produire la version française internationale de ce livre-là. On a corrigé la première traduction qui nous était présentée. On a tout fait. Jim McNeill, qui était le secrétaire général, un économiste néoclassique quand même. Néoclassique, c'est sûr. à Ottawa. C'était un travail impressionnant. Le détail, le portrait global que ça donnait de l'ensemble des défis, c'est difficile à améliorer ça. Et le seul problème, c'est que vers la fin, le chapitre sur l'économie s'appelle « Faire plus avec moins ». Et l'idée, c'était une autre version de comment mitiger l'impact de l'économie, comment maintenir l'économie. Alors, on a fait tout. J'ai eu les postes différemment avec le titre « Développement durable ». Quand j'ai commencé mon blog, le type qui m'a aidé à un moment donné avait mis « Réflexion sur le développement durable » et j'ai enlevé le « durable ». À un moment donné, j'étais là. Écoute, il y a des gens qui reconnaissaient d'emblée que c'était encore un autre travail hétérodoxe où la croissance était quand même présumée. Mais la lenteur... j'étais moins lent que d'autres, parce que encore aujourd'hui, on a tout un mouvement, dont le mouvement environnemental, généralement, qui cherche toujours à faire, le mot peut-être pas aussi courant qu'avant, mais cherche à mitiger la croissance plutôt que de l'éliminer, l'enlever comme leitmotiv. Alors oui, le développement durable, je dis, il est mort et enterré, et pourtant je vois les gens l'utiliser. Il est rendu comme un terme auquel on ne pense même pas quant à son sens. Il est utilisé et finalement, il remplace le mot environnement. Ça a l'air plus sérieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est du greenwashing. Ah, c'est carrément ça, là. C'est... Il y a, à Sherbrooke, il y a même un centre qui produit des jeunes, là, et qui tient un colloque très intéressant chaque année, mais dont le destin, l'objectif, c'est de trouver un emploi dans les entreprises qui ont toujours une boîte, la section développement durable, où ils essayent de suivre les réglementations et faire de l'environnement. Et le social est là-dedans aussi. Il y a des choses que vous dites aussi qui sont très, très, ben, en fait, presque apeurantes. Là, quand vous parlez des crises, vous dites les crises, là, faut arrêter. Là, les crises, c'est une dégradation structurelle et non pas ponctuelle. Les crises sont imbriquées. Ça, vous faites la démonstration là-dedans pour qu'on comprenne que faut arrêter de concentrer son œil d'un seul côté, puisque l'ensemble des crises, à un moment donné, il y a de quoi qui fonctionne ensemble. Je pense qu'on le voit très clairement de nos jours. Les changements climatiques sont dans toutes les nouvelles. Et c'est la cible, peut-être la cible principale du mouvement environnemental et même de la société en termes de discours. Et pourtant, ces changements-là découlent, ces changements climatiques, les impacts, les changements au système atmosphérique, découlent de toute une panoplie de structures dans les sociétés qui commencent avec l'utilisation, la consommation des énergies fossiles qui est en croissance extraordinaire, mais seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le charbon avant était quasiment sans lien, tellement le pétrole et le gaz et le charbon depuis la Deuxième Guerre mondiale sont utilisés de façon exponentielle. Et donc, le problème est que on ne peut pas s'attaquer au changement climatique en cherchant à avoir un marché de carbone. Il faut changer la société elle-même, la civilisation carrément en indépendante, et ça comprend les Chinois et les Indiens aussi. La population rentre là-dedans. J'ai une petite section à un moment donné. À Nature Québec, UQCN, dans le temps, on a même publié à un moment donné une chronique sur le problème démographique et on s'est fait blaster par tous les intervenants, des médias aussi bien que gouvernementaux. Alors que, écoute, quand je suis né, là, il y avait 2 milliards de personnes sur la planète. Aujourd'hui, il y a plus que 7. Je pose la question dans le livre à n'importe qui. Comment on peut penser que cela est normal et que la suite jusqu'à 10 milliards peut être considérée comme tout à fait normale aussi? Alors, quand on ajoute à la population, on augmente la taille des défis parce qu'il n'y a plus de personnes à nourrir, plus de personnes qui émettent des polluants, qui occupent des terres. Alors oui, les crises sont structurelles et je dirais que ni le mouvement social, ni le mouvement environnemental, ni le public ne le réalisent. On continue toujours à compartimenter nos affaires. Est-ce que ça se gère, les changements climatiques? Est-ce qu'on peut gérer ça? Moi, j'ai une phrase que j'ai gardée, l'éditeur l'a laissée. Les changements climatiques ne sont, en fait, politiquement, économiquement, socialement et technologiquement impossibles à gérer. Non, ça ne se gère pas, ça ne s'encadre pas. C'est tout simplement un épiphénomène énorme d'une civilisation elle-même énorme en termes de nombre de personnes, en termes de taille d'économie, en termes d'impact planétaire. Ça ne se gère pas. J'aboutis à la conclusion que la croissance est finalement nuisible. Il faut trouver une façon de vivre sans croissance et c'est pas évident. Il y a pas beaucoup de monde qui a écrit là-dessus, mais justement, c'est le fun d'essayer d'en trouver. Il y en a quelques-uns au fil des décennies. Ce que j'ajoute dans le livre, parce que c'est quand même, ça c'est un constat de plusieurs de mes anciens, parce qu'ils me rejettent, je pense, en général, collègues, c'est que peu importe, c'est trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est pas trouver une nouvelle société et commencer à la mettre en place. Le mouvement social travaille là-dessus depuis 50 ans, en parallèle au mouvement environnemental. Les deux, un peu limités dans leur perception, alors qu'il faut vraiment les intégrer. Ça nous tombe dessus. Écoutez, cette semaine, j'ai essayé de décoder des travaux en rapport de l'Agence internationale de l'énergie. C'est l'agence de l'OCDE, des 28 ou 30 ou je ne sais pas combien de pays de l'OCDE, qui dit que d'ici 2 ans, il n'y a pas de problème pour l'approvisionnement en énergie, mais à partir de 2020, entre 2020 et 2022, là, il pourrait y avoir des problèmes si, et ce qui suit le si, c'est imaginaire. Alors, on est devant l'effondrement de Halte à la croissance, je pense que c'est assez clair. Si je me trompe, il va falloir trouver la société nouvelle de toute façon. Mais je pense qu'on est devant un gros défi. Et c'est les 2/3 du livre qui s'appelle « Solutions ». Oui, ben on va aborder les solutions dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais quand même vous entendre sur le fait que vous le sentez comment... Sentez-vous une réelle volonté politique? Parce que quand on regarde simplement les chiffres, même canadiens, ça date du 24 février 2018, ça fait pas longtemps, là. GES, le retard du Canada, s'accentue. On était censé faire plus mieux, là, mais on fait plus pire. Mais disons que je réalise ça de façon radicale depuis que j'ai quitté le poste de commissaire et que j'avais réalisé que j'avais perdu mon temps. Mais c'est quand même, je vois l'ensemble des gens dans le mouvement environnemental, on parle de changement climatique, les émissions de GES, je suis convaincu qu'ils savent que c'est foutu. Ils peuvent pas ne pas voir que les tendances ne changent absolument pas. Je dirais sans exception qu'ils ont dit que l'accord de Paris avec la COP21, la réunion de presque 200 pays pour signer un accord sur la façon de contrôler les émissions dans les années qui viennent, c'est volontaire et les États-Unis ont travaillé pendant des années, littéralement entre 2009 et 2015, pour corriger un échec en 2009 à Copenhague, et avoir un accord en 2015 qui montrerait la volonté et la capacité de gérer les changements climatiques via contrôle des émissions. Et c'était un échec, je dirais, pas total, mais un échec parce que le travail aboutissait à des engagements des 192 entre les 200 pays qui nous laissent avec une hausse de température de 3 degrés. C'est la catastrophe. Et on ne pouvait pas sortir de Paris en 2015, sauf avec le constat qu'on a échoué. Et pourtant, je dirais que je connais personne, presque personne, qui constate l'échec. Alors, ça continue comme toujours. On s'enfonce dans le mur. On va faire une petite pause, si vous permettez, puis au retour, on va quand même parler de solutions, parce que c'est vrai, il faut le dire. Ça fait 40 minutes qu'on dit que tout va mal, là, mais il y a quand même des notes d'espoir. On revient dans quelques instants. Oui, donc trop tard pour changer de vie, peut-être pas. Harvey Mead, on continue de discuter de votre excellent ouvrage. C'est tout un ouvrage d'ailleurs, quand on constate qu'on vient de perdre 40 ans de sa vie, c'est, c'est quelque chose. Non, quand on parle maintenant, parlons du que faire. Il y a quand même du... on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut... C'est une belle transition, là, bon choix de musique. Merci beaucoup, oui, trop tard. Donc, ce que vous dites notamment, en tout cas, c'est qu'il faut cibler les bons enjeux. Il faut commencer à regarder les choses de la bonne manière. Ce que je fais en essayant de, comme le dos du livre l'indique, l'éditeur met un accent sur l'optimisme, je pense, mais une sorte d'apport positif, J'ai fait ça en deux parties. Le chapitre 5 et 6, les deux chapitres, couvrent ce que j'avais découvert avec l'IPV déjà. Ça me surprend toujours que personne n'a pris mes calculs dans les négociations pour le bois d'œuvre. Mais c'était le premier chapitre que j'ai écrit en 2009-10. Le ministère des Ressources naturelles a un fichier sur la foresterie au Québec qui est impressionnant. Il divise le territoire en 170 à peu près sections, territoires, parcelles, et il calcule pour chacune de ces parcelles-là tout ce qui touche l'activité d'exploitation du bois. L'aboutissement du travail, parce que c'est pas l'aboutissement du calcul, il n'arrive pas à ça au ministère, c'est que sur les 170 parcelles, il y en a trois qui sont rentables en termes d'exploitation forestière. L'activité forestière au Québec, sur le plan économique, existe parce que ça maintient des emplois et les gouvernements interviennent régulièrement pour maintenir les emplois en région, mais sans avoir le moyen de retomber. Et ça, c'est vraiment pas économique. L'agriculture est différente, mais aboutit au même constat si on calcule les impacts environnementaux dans ce cas-là, parce que c'est des impacts sociaux, le manque d'impact économique positif en foresterie qui compte. En agriculture, c'est l'ensemble des impacts. Mes calculs étaient indirects, suivant une étude américaine, mais j'arrive à la conclusion que je pense que n'importe qui intervient en agriculture, et c'était un de nos premiers grands dossiers à l'UQCN dans le temps, l'agriculture est vraiment c'est une activité destructrice et qui doit changer. L'impact équivaut au bénéfice. C'est ça la conclusion de mon calcul. Alors moi, je dis en foresterie et en agriculture, donc dans les grandes régions rurales du Québec, on a deux systèmes qui ne sont pas économiques de toute façon. Et je fais des esquisses de comment on pourrait agir autrement donc. Et ce n'est pas évident, mais l'Union paysanne a quand même fait un gros travail pour essayer de faire réaliser que les petites fermes, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Ça ouais. Mais ils se font bousculer aussi. Hein. Mais ils ont été rejetés du revers de la main, finalement, surtout par l'UPA. Ouais. Et le troisième élément, c'est les activités minières, pour toujours rester en région. Là, j'ai fait une vérification formelle quand j'étais commissaire, et on aboutit au constat qu'on donne les ressources minérales parce que les gouvernements successifs depuis des décennies ne retirent aucun bénéfice, aucune rente de l'exploitation des minéraux. C'est maintenu carrément pour les emplois. Alors, je dis, voilà trois gros domaines d'activité où on doit constater que ça marche pas comme ça marche actuellement. Et l'énergie, c'est l'autre. Et c'est là où, pour avoir contesté de nombreux barrages, de nombreux projets de barrages au fil des décennies, il reste que, voilà, nous avons 50%, j'arrondis, de notre énergie qui est là pour des décennies à venir. De façon, c'est permanent. On a un apport en énergie vraiment prévisible pour les décennies à venir. Alors, j'aboutis au constat dans ce cas-là. Essayons de commencer à vivre avec la moitié moins d'énergie, en oubliant ce qu'on peut penser de d'autres sources d'énergie qui sont, pour toutes sortes de raisons, vraiment pas le Pérou. Alors, voilà une première étape. Il y a toutes sortes de champs d'activités où on peut commencer à imaginer déjà une société à commencer par la moitié de l'énergie de moins. Et le deuxième élément, c'est là où j'abonde dans le rêve ou dans l'imaginaire un peu, mais où pour résumer très grossièrement, nous avons nos réserves financières à l'OPDQ. Les rentes de tous les Québécois, toutes les Québécoises se trouvent dans les investissements de l'OPDQ. Et je souscris à des propositions de nombreux économistes financiers qu'il va y avoir un écroulement de notre système financier aussi. Et écoutez, en 2008, on a perdu 40 milliards de dollars à l'OPDQ. Moi, je propose tout simplement ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là en mettant en place des infrastructures rapidement, infrastructures pas juste physiques, sociales, en présumant de l'effondrement du système de toute façon à relativement brève échéance. Alors, ça, c'est des... Et voilà, il y a... Le Québec est peut-être la meilleure juridiction au monde en termes de capacité de faire face à ce qui s'en vient. Ça, c'est le bout positif. Il nous reste à peine 2 minutes. De toute façon, évidemment, on racontera pas tout, on dira pas tout. On essaie de vous inciter, j'espère que ça fonctionne, à lire le livre. Mais bien sûr, de ce que j'ai compris, moi, de tout ça, vous parlez, d'ailleurs, vous l'écrivez, hein, c'est vers une société nouvelle, post-capitaliste. Adieu la croissance, hein, c'est ça qu'il faut voir. Donc, ce que vous proposez, c'est quand même, c'est quelque chose, là. C'est vraiment un vrai changement profond de société, parce que diminuer même notre consommation de 50%, c'est changer complètement nos habitudes. Mais les auteurs de Hâte à la croissance ont dit, je pense, dans le livre, et ils disent depuis la publication, parce qu'il y a eu 3 éditions, etc., qu'ils n'étaient pas capables de vraiment fournir un portrait de ce qui se passait avec l'effondrement. Ils voyaient l'effondrement dans leur projection, mais ce que ça signifiait de façon formelle et surtout ce que ça comportait en termes d'impacts sociaux, ça, là, c'est pas évident. Et voilà, nous sommes devant un effondrement. C'est pas évident ce que ça va comporter, mais le livre termine en ciblant l'auto. Oui. Parce que, écoute, moi, des gens de mon âge, j'ai grandi dans la période de l'histoire humaine la plus bénéfique pour une minorité des gens de l'histoire de l'humanité. Et ça a commencé avec l'auto et les banlieues. J'ai fait ma vie là-dedans. Et on est, je dirais, à la fin. Dans un dernier article du blog, je cite un chercheur qui propose que d'ici 2030, c'est la perspective la plus longue qu'on peut se donner. Il n'y aura plus de voitures personnelles. Il va y avoir des voitures autonomes électriques à 1/5 en nombre de ce qui est projeté. Et que le monde ne sera pas... On ne sera pas propriétaire de ces voitures-là. Ça va être un système. En tout cas, ça rentre bien dans l'image que j'ai d'une société qui garde certains aspects technologiques tout en passant à travers un effondrement. C'est bien sage. Ça va faire hurler un peu. Par exemple, je pense que vous avez l'habitude d'être rejeté, mais de dire qu'on va se débarrasser de l'auto, en tout cas de l'auto à essence, notre beau char, là. Ici, à Québec, ça va faire réagir. Ah, c'est marginal comme ailleurs, sauf que... Ce qui est le fun avec l'étude, c'est un type de Stanford, entre autres, il y a des co-auteurs, c'est que, peu importe, sauf pour le changement de propriété, le sens de propriété, ce que les autres disent, et je termine là-dessus, des compagnies comme Google, Tesla, Uber, c'est pas des deux de pique. Et ils savent que c'est le gros défi, et ils travaillent là-dessus en priorité à travers tous les travaux technologiques qui complètent leur effort. Effectivement. Ben Harvey Mead, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ça a passé très, très rapidement. J'espère vous voir éventuellement, parce que c'est passionnant de vous parler. Merci beaucoup. Et merci de mon côté. Là, quand on pense normalement à une entrevue, c'est 2 minutes ou 3 minutes, c'était un plaisir. 1 heure. Merci. Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup à notre invité Harvey Mead. Je rappelle le titre de son livre, Trop tard, donc la fin d'un monde et le début d'un nouveau chez Éco-Société. Un livre d'espoir malgré tout, hein, je vous le dis, là. Malgré le portrait brossé qui laisse entendre que c'est foutu. Non, c'est pas foutu, mais il y a du boulot. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Visitez econophile.net, je produirai un petit texte sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Merci donc et à samedi prochain.